Xavier Forneret, rien. Une nuit, tout le monde. Pendant un jour, beaucoup d'hommes en chair et en os avaient remué beaucoup d'hommes en livres. Ces derniers étaient tirés de leur coin, où parfois ils reposent en quiétude grande, montrant pour visage leur dos où est leur nom. Puis ensuite, leur corps ouvert sur un tapis, sous le souffle du jeune ou du vieux, mal touché de certaines mains, disséqué par des regards, leur corps demandait merci aux heures qui sonnaient lentes. Enfin, le moment qui devait les remettre en place arriva, et les hommes en chair et en os dirent adieu aux hommes en livres. Voici venir une nuit sombre, avec un refoulement infernal précédé d'éclairs, tantôt bleuâtre, tantôt sanglant. Rien qu'un bruit affreux, rien qu'un feu brûlant l'air, rien qu'une pluie fouettante, rien qu'une obscurité profonde, sinon les éclairs. Pas un nuage blanc, pas une étoile, pas un rayon de lune. Alors, dans une grande salle que les hommes en chair venaient de quitter, il y eut fête. Les lustres pendaient du ciel par éclats, le tambour battait sans cesse aussi au ciel, et il y avait sur la terre comme un fifre sous les doigts du vent. Ces lustres, ce tambour, ce fifre, entrèrent dans les yeux et les oreilles de tous ces grands hommes debout sur les planches, fixes sous leurs habits de cuir ou de papier ou de carton, au point qu'ils tressaillirent, se remuèrent, se changèrent. Et leurs soupirs commençaient à parcourir l'espace de la grande salle voûtée. Ils n'osaient point encore parler. Cependant, l'un d'eux, Jung, sauta le premier de son dernier rayon sur la pierre, alla prendre Byron par la main, et tous deux s'assirent, pâles, se montrant à chacun leur beau front. Jung laissa tomber de ses lèvres ces paroles. « Eh bien, Byron, voilà une belle nuit, toute d'orage, toute de voix de tombe et de spectre. Entendez-vous les vitres qui claquent, la pluie qui coule? N'est-ce pas que c'est beau ?»« Oui, dit Byron. Souvent, j'ai eu l'âme égale à ce bouleversement lorsque j'écrivais. » Souvent, moi, reprend Jung, je me suis assis sur des côtes décharnées, et encore, encore en charpente. J'ai versé du sang dans un crâne, taillé un os de main pour écrire, essuyé cet os dans une chevelure morte. Un jour, un soir, une nuit, il m'arriva d'être trop lourd, et le squelette qui me portait se brisa. Alors, mon corps se mit dans son ventre, et ses côtes se rassemblèrent sur mon estomac, après leur cassure, comme des ressorts qui cèdent, comme un trébuchet qui prend. Le crâne coiffa mon crâne, l'encre rouge trempa mon visage, et ma plume se perdit. Je voulus demeurer 4 jours enfermé dans cette espèce de cage, avec la calotte sur ma tête et les taches à ma figure. On me trouva un autre os. Je fis fermer toutes mes fenêtres pendant ces 4 jours. Une lampe recouverte d'un verre pourpre flamba sans cesse dans ma chambre. Et je traçai ma 12e nuit. Et si vous m'aviez vu, dit Byron, écrivant Oscar d'Alva, je crois, ou une larme, vous auriez frémi. J'étais sur une langue de rocher baisant le vide, glissante et tordue comme un serpent. Mes pieds regardaient un abîme n'ayant pas plus de fond qu'il y a de fin au ciel. Alors, une génisse poursuivie par un bœuf y tomba. J'écoutais, je n'entendis rien. Pourtant, je m'avançais un peu et penchai ma tête. Mais toujours aucun son ne me frappa. De cela il y a 17 ans. Et peut-être la génisse, depuis qu'elle tombe, n'est point encore arrivée à ce fond que tous les fils d'Écosse joints en longueur ne pourraient sans doute aller toucher. On frissonne de se voir vacillant sur un si grand espace. Et malgré tout, ce frisson vous donne quelque chose d'attachant lorsqu'on regarde, de fier lorsqu'on a changé de lieu. Une soirée, par un vent vif, le papier sur lequel j'écrivais m'échappa, et lorsque, involontairement, je m'élançais pour le retenir, je me trouvais, pendu par les cheveux, à la main d'un pâtre qui avait remarqué mon imprudence, savait mon nom, et qui, lorsque j'étais à cheval sur ma baïonnette de pierre, arrivait derrière moi à pas de loup, et se tenait prêt à me saisir au moindre de mes mouvements. Aussitôt que je sus que quelqu'un me gardait, je cessais d'encourir le danger qui réjouissait si souvent mon âme, en glaçant parfois mon corps. « Allons, promenons-nous, Byron, » redit Young. « Quand les chats sont loin, les rats grignotent. Venez et voyez comme elle tombe, la pluie. Ce sont nos âmes qui pleurent. Écoutez l'orchestre de l'enfer qui tonne des paroles de Dante. Voyez ces flammes qui fuient parce que les damnés se remuent sous leur chaudière, sous le grappin du roi à cornes et à queue. » Et les petites ombres des deux grands hommes marchaient dans la vieille salle. À ce moment, une main s'allongea sur elle et les figures des deux Anglais, subitement retournées, se trouvèrent en face du sourire, des sourires fins et mordants. Byron et Young crièrent ensemble. « Voltaire !»« Oui, messieurs, Voltaire qui, lui aussi, quitte sa planche et veut voir le temps qui se fait. »« Grand génie, prenez place à cette fenêtre. Nous vous la céderons même entièrement, si vous le voulez, nous le devons. » « Croyez-vous, messieurs, que j'ai ou que j'ai eu véritablement... »« Bien des gens cherchent à prouver le contraire. » »« Ces gens-là, dit un des Anglais, sont comme des vessies qui s'enflent de paroles pour ne rendre que du vent, ou comme une araignée qui filerait une toile pour arrêter la sortie d'un boulet de 48, ou un regard de lune dans les yeux du soleil, ou encore une fauvette se cramponnant pour enlever un aigle. Ou enfin un cheveu de perruque à une crinière de lion. Je sais bien que ceux qui me lancent leur langue au visage sont pour la plupart des sots ou des emplâtrés d'hypocrisie religieuse qui font la cour à un conclave ou à une académie systématique. Je sais bien qu'il est des envieux boursouflés qui, en levant la tête comme un dindon qui glougloute, cherchent dans l'air les pensées qu'ils n'ont pas, s'affaissent ensuite lourdement, et cherche à charger de pédantisme ou d'ignorance celle des autres. Je sais bien qu'il est tel pays qui n'aime pas les idées philosophiques, parce que la philosophie mène à l'indépendance, et que les premiers de ce pays voient une branche de conservation dans leur caresse aux choses théocratiques. Et de là, ces myriades de reptiles qui s'accrochent à certains habits et couvrent de sifflements bâtards la voix de leur maître. Je sais bien que tout ce verbiage, toutes ces rodomontades littéraires de ces gens-là, ressemblent assez à la marmite pyrostatique qui veut apprêter un repas de 8 couverts en consommant et consumant 5 centimes et demi, valeur en charbon. Je sais bien que leurs mots ne lancent pas autant d'étincelles que contient d'œuf une laitance d'esturgeon. 57 millions d'après le Wenbock. Je sais bien que ces insensés ont l'encéphale au cerveau, qu'ils pensent peut-être comme Leibniz, pouvoir inventer une langue aussi exacte que l'algèbre, qu'ils sont souvent la colonne hermétique, une colonne humaine à tête de pierre, qu'ils voudraient rétrograder au temps des Hindus où l'eau de la clepsydre sommait les heures, qu'ils exhalent beaucoup de parfums du grimoire, l'enchiridion au temps de Louis III, ou de la science de Cagliostro, le sorcier insulté par l'avatar, qu'ils brillent comme l'escarboucle du vouivre serpent ailé, qu'ils sont encore comme Scoresby, qui a descendu une sonde dans les mers australes à 7 600 pieds sans toucher leur fond. Je sais bien que ceux qui les écoutent les croient. C'est l'homme endormi qui devient aveugle sous un rayon de lune dans les forêts de Demerara, contrée des tropiques. Je sais bien tout cela, mais j'avoue que tout cela ne prouve pas... « Vous avez du génie !» s'écrièrent Young et Byron. « Vous avez du génie !»« D'abord de la mémoire, » répondit Voltaire. Si le temps était un gâteau et qu'on le partageât, on vous devrait au moins 1 siècle, et pour part au couteau, une médaille presque large comme la lune, où serait gravé tout ce qui est advenu de bien sous votre influence. Mon orthographe, n'est-ce pas, messieurs? Oh, voilà bien le grand homme, oubliant sa force et parlant de sa faiblesse. Mettons science et prétention de côté, voulez-vous, messieurs, et écoutez-moi un instant. Nous le voulons de tout cœur. Eh bien, encore jeune, à Paris, j'avais une maîtresse. Un jour qu'elle m'envoya des vins excellents, avec cette adresse, au génie en herbe, je ne pus m'empêcher de lui répondre immédiatement. Arrosé par une femme, il sera bientôt en fleurs. Cela me fait souvenir d'un voyage en Bourgogne que je fis en 1714. J'avais 20 ans. Ma maîtresse de Paris m'accablait de lettres, demandant explications détaillées sur ce que je faisais, sur mon genre de vie, et quand, enfin, je reviendrais près d'elle. Moi qui n'ai jamais pu ou su lui rendre mot pour mot, phrase pour phrase, lettre pour lettre, je lui répondis. Ma vivement aimée, hors de la ville, Beaune, dont chaque goutte de vin est une goutte de vie, il existe, à peu de distance, un petit cours, tantôt large, tantôt rétréci, et de 2150 pieds de longueur environ, juste moitié de la hauteur ordinaire d'une colline des Alpes. Ce cours d'eau, bordé par un ruisseau limpide, conduit à la source de l'Aigue, et non de l'Aigle, ainsi que l'appelle une partie des indigènes. L'eau de cette fontaine est aussi suave et aussi transparente que le vin de Beaune qui l'entoure, est spiritueux et parfumé. Des marronniers, déjà vieux, énormes et touffus, semblent défier pour la fraîcheur de ce lieu les rayons du soleil. Et c'est là que, de temps en temps, la jeunesse ouvrière vient danser, rire et saluer la fontaine, en buvant de son eau si belle et si claire, qu'il ne faudrait pas dire avant d'y être « fontaine ». Si quelqu'un a visité cet endroit en homme qui furette, qui porte partout ses regards, cherchant sans cesse à découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas, il a dû remarquer, toutefois, après l'extraction de plantes ondines, au milieu de l'enceinte qui retient les eaux de l'Aigue, comme une mère garde son enfant dans ses entrailles. Il a dû apercevoir un affaissement sensible de terrain. Dans des temps reculés où chaque peuplade possédait son idiome, où femme pouvait signifier Dieu pour les uns, diable pour les autres, il y avait, à l'endroit de cet éboulement intérieur, une pierre formant un carré, long d'à peu près 2 pieds et demi. Le voile tremblotant qui recouvre la surface de l'enceinte, malgré sa pureté diaphane, empêchait souvent de lire les mots gravés sur cette dalle. Voici quels ils étaient. Celui qui me soulèvera, avec Beaune périra. La main de Dieu qui, selon sa puissance, repousse ou fait avancer les siècles, semblable au vent qui chasse ou attire une feuille, la main de Dieu grava ces mots. Des traditions anciennes comme le monde et vivaces comme lui, puisqu'elles n'ont pu se perdre à travers les torrents d'années qui ont roulé sur elles, de ces traditions, vieille fille de Saturne, moi, jeune homme, je vais essayer de rendre le bégaiement intelligible. Noé, qui, comme chacun le sait, planta la vigne, avant de commettre cette action précieuse, Noé demanda permission à Dieu, le Père de tous, afin d'explorer les différents pays de la terre. Avant de s'enivrer, Noé voulut choisir son lieu et place pour y faire croître et mûrir le raisin. Noé eut raison. Après le déluge, après un temps d'arrêt sur le mont Ararat, lorsque les eaux se furent retirées, Noé tenta plusieurs essais vinicoles qui ne le satisfirent que médiocrement. Alors, accompagné de ses fils, Sem, Cham et Japhet, il parcourut et traversa l'Asie, l'Europe, vint en ce qu'on nomme maintenant France, stationna sur ce qui devait être un jour Bourgogne et Beaune, puis il y ficha des échalas. Toutes les peuplades des contrées voisines et des autres parties du globe, de l'Afrique et surtout de l'Asie, déblatérèrent hautement contre le goût injuste de Noé, et les larmes qu'elles répandirent à ce sujet devinrent en si grande abondance qu'elles formèrent une espèce de cataclysme. Noé craignit pour sa vigne. Mais Dieu pacificateur de toutes choses, en reconnaissant que le bon patriarche avait bien choisi son coteau pour qu'un jour il fût doré, Dieu assembla les peuples, descendit jusqu'à la terre, s'assit sur le monde, son trône, posa sur sa tête le soleil, son diadème, puis il dit « Peuple, cessez de pleurer, je fais cas de vos larmes, je les considère, car je veux bien les renfermer dans un caveau que vient de creuser à l'instant ma toute-puissance. Une dalle en scellera l'entrée, à cette dalle, il y aura un anneau de fer. Et à cet anneau de fer seront invisiblement attachées les racines du dernier cep bourguignon. Celui qui les arrachera du sol amènera avec elle la pierre de ma volonté, et je permettrai qu'à jamais vos larmes s'engloutissent, ainsi que Beaune et Bourgogne. » Dieu dit et se retira dans le ciel son palais. Et Noé sourit, et les peuples se turent, soupirèrent, et attendent encore. et je te salue et je t'embrasse, Voltaire. » Et une autre fois, lorsque Madame de me suppliait de lui dire comment j'employais les heures de mon jour, j'écrivis. « Ma bonne et aimée, j'ai souvent désiré savoir combien une langue ordinaire d'homme lançait par an de sa demeure dans l'air des sons articulés, durs, tendres, énergiques, indifférents, justes, cruels, insensés, sages, faux, francs, passionnés, calmes, hardis, craintifs, repoussants, consolateurs, spirituels, ineptes, grands, petits, sceptiques, décisifs, clairs, insignifiants et amphibologiques. Combien ces sons qu'on appelle mots renfermaient de lettres? Combien de consonnes? Combien de voyelles? Combien à ces lettres il fallait d'accent et de points sur les i? Combien ces mots exigeaient de traits d'union, de points d'exclamation ou d'admiration, de points d'interrogation? Combien ces mots formaient de phrases? Ces phrases de pages, ces pages de livres, ces livres de bibliothèques, ces bibliothèques de savants, ces savants de pensées, ces pensées d'appréciateurs, d'admirateurs, de chroniqueurs. Quelle serait la consommation par ces phrases de guillemets, de ponctuations, de parenthèses, de renvois, d'alinéas? Combien, enfin, il y aurait dans tout cela d'éloquence et de pureté, de bavardage et de bévue? Un homme entre tous, le moins fou, à qui je racontais mon désir, m'assura qu'il était bizarre et fantasque, qu'il y voyait presque de l'immodération, et m'engagea fortement à renoncer à l'accomplissement de ce vœu. Après avoir pris le bassin de la raison et celui de la folie, après les avoir suspendus l'un et l'autre au fléau de la réflexion, je rejetai loin ce capricieux caprice. Mais voilà que depuis plusieurs années, il s'est repris à moi plus despote que jamais, l'homme étant mort et ma réflexion perdue. J'ai donc cédé à une fantaisie d'imagination, et je connais, à présent, de quoi une langue d'homme est capable. 57,348,937 mots sortent par an d'une bouche d'homme. Sans compter les extras pris dans le vin, le sommeil et le parlement, si cette bouche y avoit. Ces mots renferment 401,000,000 de lettres, moitié voyelles, moitié consonnes. Si j'avais pu prévoir cette égalité, que de peine évitée pour ce calcul! Celui des accents et des points sur les i n'offrait point assez d'importance pour que j'y arrêtasse mon attention. Les points d'exclamation, d'admiration, d'interrogation se montent ensemble à plus de 35,000. Les traits d'union à 19,184. Pardonne-moi, ma bonne et aimée, de n'avoir pas compté la ponctuation, les guillemets, les parenthèses, les renvois, les alinéas, les phrases, les pages, les livres, les bibliothèques, les savants, les pensées, les appréciations, les admirateurs, les chroniqueurs. Mais ma tête aurait craqué sous le poids de tant de chiffres. Encore un coup, pardonne-moi. Double à peu près tout ce que je viens de dire, grossissant avec soin le nombre des interrogations. Et ce sera pour une bouche, la plume m'échappe. Adieu, bientôt je te verrai. Que de mémoire vous avez, dit Jung. Mémoire de mort qui n'a affaire qu'à se souvenir. Oui, voilà les brouillons, d'esprit si vous voulez, que j'envoyais à Madame de... Et si on ne les trouve pas parmi mes lettres, c'est que, sans doute, on n'a pas daigné les imprimer. Qu'importe au reste, on a eu raison. Encore quelques mots moins gais que ceux que je viens de vous débiter, messieurs, et à vous la parole. Jung et Byron pensaient qu'un homme qui avait fait tant de livres pouvait bien être un peu bavard, surtout lorsqu'il était mort. Ils se turent. Et Voltaire, voyant qu'il commençait à fatiguer les deux Anglais, se hâta de dire. « Messieurs, toujours à elle. Alors j'avais 25 ans, je crois. Ami, tu n'es pas auteur, toi, parce que tu ne voudrais pas de cette vie-là. Si tu savais comme parfois elle ronge tout, comme elle vous fait brusquer ce que l'on chérit le plus au monde, comme on est ennuyé, blasé de tout, comme on prend chaque chose en pitié, comme on se met à table avec fureur, comme on se couche malheureux, comme on se lève plus malheureux encore. Quand le jour vous paraît noir, le soleil obscur, l'air épais, l'eau trouble, les visages hideux, les paroles assommantes, le bruit insupportable, les cimetières magnifiques, les tombes brillantes, et quand on voit dans sa pensée un squelette planant sur le monde, on voudrait occuper la place de cet exergue de la mort. Depuis 2 ans, tu me prédis gloire et succès. Où est donc cette gloire? Où sont donc ces succès? Toujours rien ou presque rien. Oh, tais-toi, tais-toi. Je te l'ai dit déjà, je crois, mais je te le répète encore, il semble que j'aurais pu être quelque chose, si la culture de mon esprit s'était faite à temps opportun, si ma santé brillait, car vois-tu, je ne me porte jamais bien. Si enfin la médiocrité, la misère peut-être, ne venait me montrer sans cesse son corps, à travers ses haillons poudreux et pendants, j'aurais froid peut-être, oh, je crains d'avoir froid. J'aurais faim, et je mourrais sans secours, car personne ne saura mon malheur. J'écrirai avec de l'encre que je dégèlerai avec mon souffle, combien de fois mon estomac aura crié par minute « Des aliments, des aliments !» Combien de fois j'aurai cherché à ronger des choses qui auront rongé mes dents et ri de mes entrailles. Et si le besoin et l'inanition n'obscurcissent pas trop mes yeux, si l'encre ne devient pas trop dure, si je peux encore souffler sur elle, si ma main n'est pas trop raidie par des crispations douloureuses, alors je noterai que j'ai vu depuis ma fenêtre, sous les tuiles, et cassée par tous les vents, où mes tortures m'ont entraînée. J'inscrirai sur ma dernière feuille, car j'aurai tout vendu pour pouvoir écrire. J'inscrirai donc, appuyé sur la pierre fendue de la gelée, combien d'équipages reluisants, à coussins doux et de soie, dont l'achat de chaque frange suffirait pour nourrir, un jour au moins, une mère et 2 enfants. Je dirais combien de femmes et d'hommes étendus dans ces voitures, avec des jambes aussi bonnes et souvent meilleures que celles de leurs cheveux gras et remplis. Je dirais combien de riches et d'heureux écrasants auront couru la tête fraîche et rieuse, sous une tête nue, blanche et fixe comme celle d'un mort, avec des yeux ouverts et hagards comme ceux d'un guillotiné. Mon avenir, c'est du cuivre plein de rouille que mon avenir. Oui, messieurs. Voilà ce que j'écrivais à cette excellente madame de... Et pourtant, je suis mort sous 84 ans, et je suis devenu... Ce que vous êtes, dit Byron, un homme haut de 95 volumes. Soit, mais assez, ne parlons plus de moi. Minuit va venir, son avant-quart l'annonce. L'orage continue, la pluie qui tombe ne déteint pas la nuit. Il n'y a que les éclairs qui ouvrent par instant le ciel. Allons, Byron, cherchez dans vos souvenirs de vie quelque chose à nous raconter avant que nous remontions sur notre planche. Qu'en dites-vous, Young? Je dis oui. La suite, une autre année. Quelque chose. Lundi, 8 heures du soir, après avoir ouvert le Spectateur, journal paraissant tous les 2 jours. Le froid continue, les besoins se multiplient, nous adjurons donc, etc. 3 ou 4 numéros du Spectateur. En conséquence, à monsieur le rédacteur du Spectateur. Monsieur, j'ai en portefeuille un mauvais billet d'à peu près 30 pages in 80. Si le public veut bien l'endosser, son montant sera pour les pauvres. Dans peu de jours, on trouvera ces morceaux chez messieurs Décailly, Tussat, Gretenet et Lagier, libraires et au théâtre. Prix de chacun d'eux, 50 centimes. J'ai l'honneur, etc., Xavier Forneret. La grande feuille a paru 3 fois depuis que j'ai eu l'honneur de lui adresser ma petite lettre, ce qui m'engage à publier une espèce de dialogue. La scène est passée aux coulisses du théâtre vendredi dernier. Moi. Monsieur Vincent, aurez-vous la bonté de faire insérer ma lettre? Monsieur Vincent. Oh oui, monsieur. Moi. Je vous en remercie beaucoup. Monsieur Vincent. Mais que veut-elle donc dire, votre lettre? Moi, à qui l'étonnement mord la langue. Ma foi, monsieur. Monsieur Vincent. Ce portefeuille, ce billet, cet endossement, ces morceaux. Moi, ainsi que plusieurs personnes, nous ne comprenons pas. Moi, à qui la langue revient. Auriez-vous cru, par hasard, que c'était un effet de commerce que... Monsieur Vincent. Oui, et que par souscription. Moi. Je ne crois pas qu'il existe des billets à échéance de 30 pages in 80. Celui dont je parle est simplement rien, dont je voudrais bien faire quelque chose à l'aide du public. Monsieur Vincent. Alors, c'est une brochure. Moi. Un extrait de brochure. Monsieur Vincent. Ah bien. Moi. Et ma lettre, monsieur Vincent. Monsieur Vincent. Pour demain, samedi, monsieur. Jeudi, samedi et lundi ont paru sans ma lettre dans Le Spectateur, qui s'est sans doute dit « Puisque je ne comprends pas, nul ne pourrait comprendre. » Note express. Je tenais à la publicité du Spectateur parce que c'était une publication de plus. Voilà tout. Si je le promettais, je me brûlerais vif. Xavier Forneret. Lue par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre.